C'est curieux, il y a la fête des mères, il y a la fête des pères, et il n'y a pas la fête des enfants. Pourquoi ne célébrons-nous pas la fête des enfants? C'est la tendre pensée qui me montait au cœur l'autre soir, tandis que j'ouvrais machinalement le tiroir au trésor où la mère de mes enfants et moi-même engrangeons jalousement, année après année, les charmants cadeaux que les petits anges confectionnent de leurs petites mains potelées sous la tendre férule de la maîtresse d'école. Il y avait là, pêle-mêle, sous mes yeux éblouis d'émotions paternelles, 6 colliers de nouilles, 3 bracelets de haricots, 8 vides-poches en peau de yaourt, harmonieusement enrobés de feutrines mauve et jaune, 5 boîtes à bijoux caprice des dieux, et 3 magnifiques pieds de lampe de chez Préfontaine. Consignés, certes, mais... quand on aime, on compte pas. Pourquoi, me disais-je, ne célébrons-nous pas la fête des enfants? Pourquoi nous et pas eux? Pourquoi les papas et les mamans de France ne paieraient-ils pas à leur tour de leur personne? Et n'exécuteraient-ils pas à leur tour de leurs propres mains quelques présents modestes et sans prétention, bien sûr, mais qui s'avéreraient tellement plus précieux au cœur de nos chers petits que ces poupées toutes faites ou ces trains électriques sophistiqués et glacés, que notre sécheresse de cœur nous pousse à leur jeter négligemment dans les bras après un baiser furtif. Ne saurons-nous donc jamais trouver le temps de nous pencher plus affectueusement sur ces fronts graciles, au-dessus de ces grands yeux brûlants, aux cils vibrants d'un amour incapable de s'épanouir au rythme infernal de nos ambitions carriéristes, dont la tyrannie nous condamne à répondre brutalement « ta gueule » à l'enfant qui nous dit « maman, je m'ai fait te violer ». Allons, c'est promis, je vais vous en donner, moi, mes chéris, les jolis cadeaux faits à la main. Je vais vous en fabriquer, moi, des schtroumpfs pas chers. Avec 2 boulettes de mie de pain. Et 4 allumettes pour les pattes. Je vais vous en structurer, moi, des vaisseaux spatiaux en cajot de patates. Avec du papier cul pour la combinaison anti-Tchernobyl. Et une punaise retournée pour le siège éjectable. Je vais vous en bidouiller, moi, des vélos cross sans selle, vraiment tape-cul. Avec 2 couvercles de bidon de dioxine pour les roues et un os de gigot pour le guidon. Tiens, je suis pas chien. En prime, je composerai moi-même le petit compliment. Et je vous le réciterai moi-même au dessert. Avec une révérence au début et une révérence à la fin. Oh, bien sûr, je doute de jamais pouvoir atteindre dans le sublime les sommets extatiques où votre mère et moi-même fûmes emportés lors de la merveilleuse déclamation octosyllabique de la dernière fête des mères. Dont le texte, délicatement colorié façon la gerbe, enveloppe encore le dernier cache-pot William Sorin de la dernière fête des pères. C'était un très beau poème. Je ne résiste pas au plaisir de vous en faire profiter. Attendez, comment c'était déjà? Ah oui. La merveille. Ma vie est un enchantement, quand je m'endors, quand je m'éveille, ou quand je joue à tout moment, une fée douce me surveille, elle m'entoure de soins charmants, cette merveille, je sais, maman. Je me rappelle que ma cadette me l'avait récité en aparté la veille du grand jour pour faire la surprise à sa maman. D'ailleurs, je m'étais permis une réflexion. Oui, j'avais dit, oui, c'est pas mal, ma chérie, mais tu sais, tu crois pas que ce serait plus personnel, plus touchant pour maman si tu composais toi-même un petit texte comme ça, plutôt que... Alors elle m'avait dit, oui, papa, mais tu sais, je suis pas aussi forte que la maîtresse en poésie. En quoi? En poésie, je suis pas aussi forte que la maîtresse. Alors j'avais dit, mais là, ma chérie, tu te dévalues, tu te minimises, c'est pas très difficile, tu sais, pour faire une très jolie poésie, tu prends 2 rimes, n'importe lesquelles, et puis, je sais pas, par exemple, Périne et maman, tu vois, in, en, et puis tu fous n'importe quoi devant, et puis t'as une très belle poésie. Offre-moi une, papa. Bah oui, je vais t'en faire une. T'en faire une. Tu vas voir. Tu vois, c'est difficile. Tiens, regarde, écoute ça. Je m'appelle Périne, j'aime ma maman, elle est dans la marine, c'est emmerdant. Ouais, c'est même pas vrai. Quoi? C'est même pas vrai qu'elle est dans la marine, maman. Oui, effectivement, mais enfin, tu sais, c'est une licence politique, si tu veux. Comment te dire Je peux t'en faire une autre. Tu veux que je fasse T'en fais une autre. Attends. Attends, Périne, maman. Périne, bon, attends. Attends. Pouf, pouf, tiens. Je m'appelle Périne, j'aime ma maman, elle est pas dans la marine, c'est emmerdant. Ouais, c'est même pas vrai. Quoi encore? C'est même pas vrai que c'est emmerdant qu'elle est pas dans la marine, maman. Je lui écoute, Périne, là, maintenant, tu vois, tu m'emmerdes. Parce que je suis patient avec toi, mais j'ai du boulot, tu vois, j'ai pas que ça à faire. Je vais pas faire des polésies du matin au soir, j'ai du boulot. Ouais, mais... Bon, écoute, je t'en fais une dernière, après tu me laisses tranquille. Alors, attends. Oh, mais non, je... Ah bah tiens, voilà. Pouf, pouf. Je m'appelle Périne, j'aime ma maman, elle est pas dans la marine en ce moment, comme ça, tu comprends. Si elle change d'avis, si elle s'engage dans la marine, ben on n'aura qu'à changer la fin.